Mire et Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Malaisé qui vient nous parler de son roman Entrailles, publié aux éditions Ex Aequo. Bonjour Philippe. Bonjour Mona. Alors je vais vous laisser vous présenter, nous parler un peu de vous. D'accord. Donc je m'appelle Philippe Malaisé, je viens du Bas-Rhin. Un petit village situé à 20 km à l'ouest de la capitale, Strasbourg. Je travaille à la poste, évidemment, puisque je ne peux pas vivre de mon écriture, comme beaucoup d'autres auteurs. Et donc, j'ai trouvé un boulot. Je suis facteur, donc le matin, je travaille à la poste, et l'après-midi, j'écris. Mais pas que, je lis aussi beaucoup. Voilà, autrement, bon, je suis papa d'une jeune fille tout à fait charmante que j'embrasse, Louise. Et évidemment, j'embrasse Evelyne, la femme de ma vie. Bah super. Bah oui. Alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, on se met à écrire? Alors, chez moi, il n'y a pas eu un beau jour. Je veux dire, j'ai l'impression que depuis tout petit, j'écris. En fait, j'étais dans une famille avec beaucoup de frangines qui lisaient beaucoup. Ma mère, mon père, qui lisaient énormément. Et donc, tout petit, j'ai baigné dans cette ambiance un peu littéraire. Et j'ai commencé à écrire dans des cahiers, dans des petits cahiers de 90 pages, des aventures beaucoup décousues même, au fil de la plume, sans plan, juste comme ça pour le plaisir d'écrire. Et puis j'ai aimé écrire, j'ai aimé raconter des histoires. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire. Avec l'âge aidant, j'ai écrit des nouvelles un peu plus structurées. Et puis j'ai tenté un roman il y a une vingtaine d'années, mais bon, je l'ai laissé tomber. Et voilà, et puis au fur et à mesure, je me suis dit un jour, un beau jour de 2012, je vais écrire vraiment un roman. Enfin, je vais tenter d'écrire un roman. Et voilà, je l'ai fait. Et il a été édité par Ex Aequo, donc ma maison d'édition qui se trouve dans les Vosges, à Plombières-les-Bains. Donc voilà. Et puis j'ai continué, j'ai écrit le deuxième, Entrailles, voilà. Et voilà où j'en suis, quoi. Et puis maintenant, je continue. Voilà. Je peux pas m'en empêcher, j'écris. Alors pourquoi le polar? Alors le polar, au départ, ça aurait pu être quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le polar. Puis j'aimais beaucoup le fantastique. Et j'aimais énormément tout ce qui tournait autour des voyages dans la Lune. Vous voyez, Jules Verne. Jules Verne. Et puis il y a eu un déclic, il y a eu la découverte de Bob Moran avec Henri Verne. Je parle pas des BD, hein, là, je parle vraiment des romans, quoi. Et quand j'ai découvert cet univers où il y avait tout, il y avait de l'espionnage, il y avait du fantastique, il y avait du polar, il y avait tout ce que vous vouliez. Il y avait le personnage de Bob Moran qui était fascinant, il y avait Bill Ballantyne, et puis il y avait surtout le méchant, l'ombre jaune, qui était vraiment incroyable, quoi. Pour moi, un des plus grands méchants de la littérature. Et voilà, et Henri Verne a réussi à transmettre son amour pour la littérature de genre, quoi. Et donc le polar en fait partie. Et puis en lisant des polars, je me suis dit pourquoi pas tenter un polar, parce que c'est quand même un genre très codifié, oui, où il faut respecter les règles. Et donc pour moi, c'est très bien de me mettre dans des genres codifiés pour pouvoir pour pouvoir essayer de travailler à l'intérieur de codes qui m'aident à écrire, justement, et pas partir à droite, à gauche. Et puis le polar, tout le monde... pas tout le monde, mais beaucoup de gens aiment le polar, parce qu'on aime être surpris, avoir peur, on aime enquêter avec l'auteur, avec le personnage, voilà, quoi. Et donc, bon, et puis voilà, le polar, parce que... Et puis, alors, il y a les films, hein, évidemment, les films américains, les polars des années 80, j'ai baigné dedans, donc voilà, le polar, quoi. Mais après, je ne dis pas que je n'écrirai pas un autre genre. Hein. J'aimerais beaucoup écrire, évidemment, un livre qui fait vraiment peur, quoi, avec des loups-garous, des vampires, vous voyez le genre, quoi. Ah ouais. Alors, parlez-nous d'Entrailles. Alors, Atrail, c'est mon deuxième livre, donc, et celui que j'ai vraiment aimé écrire, parce que je l'ai écrit en, on va dire, en très peu de temps, on va dire 8 à 9 mois. Mm-hmm. Je suis parti d'une nouvelle que j'avais écrite. Et puis d'abord, je suis parti d'un fait divers, parce qu'une fois, j'avais vu à la télé un homme en Amérique qui avait volé un char. Et voilà, c'était en Californie. Il avait volé un char et il était parti sur l'autoroute avec le char. Et donc, il y avait les hélicoptères de la police qui filmaient la course poursuite. Et je me suis demandé, mais pourquoi voler un char, quoi? Et donc, au départ, on était vraiment loin. Et là, j'ai imaginé que c'était un homme qui était devenu fou parce qu'il avait trouvé un trou dans sa cave et qui était descendu pour aller voir. Et là, au fur et à mesure, on est passé au trou dans la cave et donc aux mines. Alors, peut-être il y a un grand écart. Et j'ai pensé aux mines de Lorraine. Oui. Et donc, voilà, ça parle donc d'un jeune couple qui achète pour la première fois une maison dans un lotissement dans une ville inventée, Sargette, voilà. Mmh. Et à la suite d'une fuite banale, eh bien Frédéric, le héros, va descendre dans la cave et il va découvrir un trou et qui va être l'entrée d'une mine. Donc voilà, c'était le point de départ. Après, évidemment, l'histoire s'est développée. On a eu l'histoire de militaires, puisque moi, j'habite pas loin d'un établissement du matériel. Oui. Et donc, je suis allé les voir pour leur demander comment ça marchait. Ils m'ont pas trop parlé, donc c'est encore mieux pour moi, donc j'ai imaginé. Et donc, j'ai imaginé l'histoire de mines désaffectées, de militaires un peu fous, voilà, en gros, l'histoire. Et puis, il y a également une histoire d'amour entre un père et le fils. Parce qu'il faut toujours un petit peu essayer de mettre un peu de mettre autre chose. Oui, de chair autour des personnages. De chair, ouais, ce que vous voulez. Et donc, comme moi, personnellement, et moi et mon père, on a toujours une relation un peu conflictuelle. Donc, j'ai tenté de Hoki est mort il y a quelques années maintenant. Et j'ai tenté de me réconcilier un peu avec lui à travers l'histoire, quoi. Voilà. Donc, un père malade qui a travaillé dans les mines, un petit fils qui va trouver, qui va trouver. Un médicament, mais je ne veux pas trop en dire. Oui, ouais. C'est sûr. Bon, nous revenons tout de suite après Radiohead. Thank you. Alors, nous sommes toujours avec Philippe Malaisé. Alors, votre héros, Martin Covers, n'était pas a priori destiné à mener des enquêtes. Alors, c'est quoi ? C'est la curiosité ou la nécessité de savoir ce qu'il y avait dans sa cave qui l'a obligé à se mettre à fouiner ? Alors, en fait, il a peur, parce qu'on parle de mines. Oui. Et donc, pour lui, il y a des mines partout. Et donc, une fois qu'on devient propriétaire, oui. On a un peu plus peur. Je pense qu'on ne fait plus attention à là où on habite. On a envie que la maison soit solide. Et là, il se dit, pourquoi il y a un trou, Alors, d'abord, c'est la peur, je pense. Et puis, évidemment, quand on trouve un truc comme ça dans sa cave, un truc incroyable, quoi, un truc qui peut pas arriver, on y va. Mm-hmm. Et puis, après, on se demande... Voilà, je pense qu'il a peur de l'effondrement ou voilà. Et puis, au fur et à mesure, il va découvrir ce qu'il ne devrait pas découvrir. Oui, mais il aurait pu déménager et oublier ce qui se cachait dans sa cave. Alors, Il n'y aurait plus de livres. Ah, je me demandais si c'était le passé de mineur de son père qui remontait à la surface. Oui, certainement, oui. Oui, puis, avant tout, là, il y a la curiosité, le besoin d'aller voir. Et puis, voilà, quoi. Je pense qu'il est vraiment motivé. Il veut pas, déménager, acheter une maison, puis devoir déménager tout de suite. Moi, je pense qu'il veut s'accrocher à là où il est, quoi. Il est bien. Et puis, il a pas envie de. Il est avec sa femme depuis longtemps et puis là il lui offre une maison. Il a envie que la vie se passe bien, quoi. Il a pas envie que l'étrange pénètre dans sa vie, quoi. Et puis bon, alors après son père, je pense qu'au départ il est pas vraiment motivé par son père. Je pense qu'il est pas son but c'est pas d'aider son père. Hein, je crois pas. Il aime bien pêcher avec lui, mais voilà, s'il ne va pas pêcher, c'est pareil, quoi. Et après, évidemment, avec ce qu'il va découvrir, ça prend une autre dimension, quoi. Il va... Voilà. Ouais. Alors, la mine et tout ce qu'elle sous-tend de mystère et de peur, y compris pour ceux qui n'y sont jamais allés, est presque le plus grand personnage de votre roman. C'était intentionnel, je suppose. Oui. Alors, j'aime bien les trous dans les caves. Mais j'aime bien les caves aussi, en fait. Vous savez, quand on est petit, puis il y a votre maman qui dit « Va me chercher des pommes de terre. » Ouais. Tout le monde a peur. Enfin, moi, j'aimais bien. Donc, j'allais chercher des pommes de terre à la cave. Et puis, j'aimais bien me faire peur. En disant « Il y a un monstre derrière moi qui va courir sur mes talons. » Voilà. Ouais. Ça me motivait, quoi. Et en fait, déjà, dans le premier, une histoire de cave. Alors, je pense que j'aime bien les lieux clos, mais les lieux en dessous, quoi. Donc, et la mine, alors là, on est encore plus profond. C'est encore mieux. Alors, Martin, lui, travaille pour l'armée en tant que civil. Oui. Son métier n'est pas non plus facile physiquement, surtout en cette période de canicule. Mm. D'ailleurs, la canicule est omniprésente dans votre livre, comme un fil rouge. Oui, il faut. Oui. Alors, j'aime bien la météo. Alors, on me le reproche beaucoup, parce que des fois, je suis pénible avec ma météo. Ah, voilà, bref. Mais en fait, indépendamment de ça, dans les romans, c'est toujours bien qu'il y ait une période... Je suis en train d'en lire un, justement, il pleut tout le temps, il y a des orages tout le temps. Ça fait partie de l'ambiance du bouquin. Il faut qu'il y ait soit une canicule, soit tout le temps de l'eau. Et même pareil pour les films. Regardez, par exemple, je sais pas, Blade Runner... Mm-hmm. Où il pleut tout le temps. Là, on ajoute une ambiance particulière à... Et donc là, la canicule, je pense qu'elle est bien avec l'histoire des profondeurs, justement. Voilà. Alors, vous n'êtes pas très tendre avec les militaires. Ce mépris affiché de la grande muette pour les civils. Vous parlez du mépris tribal des militaires pour les civils, justement. Alors, c'est juste pour les besoins du roman ou vous le pensez vraiment? Oula. Oui, alors disons que moi j'ai un très très mauvais souvenir de mon service militaire. Voilà. C'est pas très bien passé. Puis en règle générale, les militaires, je suis dans à côté de là où j'habite, il y a une ville qui est une ville de garnison justement. Oui. Et il y a beaucoup de militaires dont les enfants sont à l'école de là où travaille ma femme, et j'ai beaucoup de retours sur l'état d'esprit des militaires. Oui. Et ça fait que confirmer ce que je... Mais bon, avec l'âge aidant, j'imagine bien que les militaires, il en faut. Ouais. Mais quand j'étais à l'armée, je pensais pas du tout. Je pensais qu'à une chose, c'est de plus être à l'armée, quoi. Ouais. Je me suis heurté à des gens vraiment, voilà, butés. Et je pense que j'ai un peu réglé mes comptes, effectivement. Oui. Alors, Martin est tout jeune marié. Le mariage n'échappe pas non plus à vos coups de griffe. Vous écrivez, je vous cite, certaines personnes prétendent que le mariage anéantit la complicité. Pire, l'accession à la propriété marque le début de l'apocalypse amoureux. Plus loin, vous dites que le mariage est l'avènement de la banalité. Oui, bon, il n'y a pas que le mariage. Hein. Oui. Non, oui, mais ouais. Bon, moi, je suis pas marié personnellement, donc. Non, mais je veux dire, c'est pareil pour. Enfin, c'est ce qu'on dit de l'habitude, les habitudes, le début de moment où on entre dans un chemin tout tracé. Le mariage, les enfants, le boulot, le métro, le dodo, voilà. Là, ça me... Ouais, je réfléchis beaucoup à ça, quoi. Voilà. Et puis, moi-même, j'y échappe pas, hein. Je veux dire, voilà. Oui, c'est pas facile de se réinventer. Et justement, et l'écriture, bah, ça permet déjà d'en parler, et puis d'essayer de faire... de passer outre, de faire autre chose, quoi. Et puis, ouais, effectivement, je trouve que... Après, j'ai rien contre le mariage, comme contre les militaires, hein. Plus maintenant, en tout cas, mais... Ouais, moi j'aime bien. Ouais, je pense que écrire, même si j'ai, ouais, ça permet de régler certains comptes, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Même ouais. Si quand je le fais, j'imagine pas. Mais quand j'ai des retours comme vous là, je me dis aïe, ah ouais, pourquoi. Alors bon, Martin a quelques soucis avec sa femme Aurore parce qu'il est un peu cachotier quand même. Hein. Alors et il prend des risques pour qu'il la mette elle aussi en danger. Alors, il n'est pas un peu responsable de ce qui arrive, en fait, dans le mariage? Ah oui, parce que... complètement. Oui. La pauvre fille. Oui. Ouais, oui, Aurore, elle subit... Oui, elle n'y est pour rien, quoi. Oui, mais c'est parce que quoi? C'est une envie de la protéger? C'est pourquoi? Pourquoi il se tait, en fait? Oui, pour la protéger, parce qu'il veut absolument pas qu'elle participe à l'aventure. Et c'est pour ça qu'il y a l'ami de Martin, oui. Qui est Big Notchier, un personnage que j'ai bien aimé écrire. Ouais, il est là pour justement remplacer Aurore. Et Aurore, il veut vraiment la protéger, mais en même temps, comment protéger quelqu'un alors qu'elle-même vit sur les lieux de la mine, quoi, du danger. Alors, le père de Martin est très très malade, hein, bien sûr. Ouais. Et bon, il y a un médicament. Et à un moment, vous écrivez que l'on sous-estime le pouvoir de l'esprit, notamment dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, l'efficacité d'un placebo dans la guérison. Alors, vous croyez à la puissance de l'esprit? Ah oui. Dans le cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Oui. Non, mais beaucoup, oui. Oui, beaucoup, l'esprit, oui. Et je parle pas des revenants. Hein. Non, bien sûr. Oui. Le pouvoir de l'esprit, même dans l'écriture. Mais la preuve, c'est que des fois, on écrit des... Vous le relevez, là. Bon, déjà, je m'en rappelle plus. Mais je pense que sur le coup, ça devait... quand je l'ai écrit, je devais vraiment le penser, mais inconsciemment, peut-être. Voilà. Donc, ouais, l'esprit dirige pas mal les choses, ouais. Alors Martin a deux très beaux copains, très différents l'un de l'autre. Alors vous pouvez nous parler de Big Notchier et de Mohamed Slim. Bon, Mohamed, il est un peu en retrait. Oui. Un peu en retrait. Je peux bien vous parler de Big Notchier parce que je l'ai vraiment bien visualisé. C'est vraiment le personnage que je préfère. C'est un peu comme pour revenir à Bob Moran, je préfère Bill Ballantyne. Mmh. Bob Moran est trop parfait. Alors je dis pas que Martin est parfait, mais Big Notchier, c'est vraiment le personnage un peu plus grand que nature, quoi. C'est vraiment l'idée que je me fais d'un ami, quoi, qui vient avec lui, qui partage les peurs, les inquiétudes. Quant à Mohamed, il est plus en retrait, mais il est aussi important dans l'intrigue. Hein. Oui, et puis. Voilà, il représente un peu, on va dire, l'étranger dans le village, quoi. Enfin, c'est bien d'en parler aussi. Oui. Voilà, quoi. Ouais, puis alors, je crois que Mohamed, il a un problème d'œil, hein, je crois. Oui. Voilà, ça m'a bien fait rigoler aussi. et puis, j'aime bien aussi, pour pas que je l'oublie, j'aime bien aussi martyriser les animaux dans mes... Ah ben d'accord. Non, parce que dans celui d'avant, il y avait déjà une pauvre bête, notamment un coq et une poule. Et là, c'est une perruche. Voilà, donc... Alors, vous êtes actuellement occupé par le projet Mangan. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Mangan? Alors, c'est un roman que j'ai commencé à écrire avec un ami. Oui. On a un genre de défi. C'est Jean-Michel Comte qui a écrit... qui n'a pas écrit de roman, mais qui a écrit deux recueils de poésie, on va dire, et puis de pensée. Et donc, avec lui, je lui ai demandé s'il voulait participer avec moi à l'écriture d'un roman pour voir si on arrivait à faire quelque chose tous les deux. Et puis là, ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on y est. Et là, on est en train de terminer. On est vraiment à la scène finale. Donc, ça va parler d'un documentariste, André Meugen, qui part dans une vallée vosgienne pour filmer les gens, un peu comme Raymond Depardon, faire des portraits. Alors André Meugen, c'est un très grand documentariste qui est déjà très âgé et dont l'œuvre est connue de beaucoup de monde. Et au bout de 2 mois, il va disparaître. Et donc on ne va plus entendre parler de lui jusqu'au jour où 2 ans après, une chaîne de télé va demander à des jeunes reporters de partir sur les traces de Meugen pour voir ce qui lui est arrivé éventuellement, oui. d'aller sur les traces de Meugen, quoi, pour faire un documentaire. Et donc, les jeunes vont débarquer. Alors, il y a le preneur de son, il y a la monteuse, voilà. Il y a l'autochtone. Ils vont se retrouver dans cette vallée un peu particulière. Et ils vont enquêter. Et donc, on a coupé ça en deux parties, 2013-2015. Donc, oui. Jean-Michel s'est occupé de 2015. Et moi, je me suis occupé de 2013. Donc, on va voir l'enquête de Meugen pendant 2 mois, ce qu'il a trouvé. Oui. Enfin, voilà. Et 2 ans après, l'enquête des jeunes journalistes. Et donc, évidemment, à la fin... En prenant 2 chemins différents, ils vont se retrouver. Je ne peux pas trop raconter. Ah non, bien sûr. Donc voilà, en fait, ça parle de ma vallée à moi, hein, de la vallée de la Bruche. Voilà. Ouais. Et, bon, pour l'instant, on a changé les noms, mais à voir. D'accord, c'est tiré d'un personnage réel? Non. Ah non, pas du tout. Non, bien sûr. Non, pas du tout. Non. Et c'est difficile d'écrire à 4 mains? Il faut se mettre d'accord sur le personnage? Oui, alors, disons, Jean-Michel, j'ai vu qu'au bout de quelques mois, il commençait à apprendre un peu, quoi. Je veux pas dire que je suis le prof, mais bon, lui-même me l'a dit dans les dialogues, dans la structure du roman, il a appris beaucoup. Ouais, oui. Parce qu'à force d'écrire, on apprend. Hein. Et c'est pas très dur. Hein. Bon, il y a Internet, évidemment. Puis alors, je vois régulièrement pour mettre tout à plat. Bon, voilà. La première fois, c'était drôle, puisqu'on avait, alors qu'on avait travaillé ensemble, on avait deux versions vraiment différentes. Bon, bref. Et là, on s'est revu il n'y a pas longtemps et on va partir dans les Vosges, dans un chalet, pendant 2-3 jours pour corriger. Oui. Pour corriger en gros, quoi, et puis voilà, et puis terminer, quoi. Oui. Ouais. Et vous avez un autre projet pour vous tout seul? Oh, j'en ai plein, mais je sais vraiment pas comment je vais commencer, quoi. Je sais pas du tout. Pour l'instant, je suis vraiment occupé avec le projet Meugen, mais dès qu'il va être fini, je me connais, je vais écrire autre chose. Ben, je suis parti sur une histoire un peu fantastique. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu changé, quoi. Ouais. Et vous arrivez à vous faire peur vous-même? Non, je me fais pas peur. Non. Par contre, Jean-Michel, par exemple, lui, il a eu peur justement avec l'histoire de la poule et du coq. Il m'a dit, t'es le seul à m'avoir fait peur avec une poule et un coq, quoi. Donc j'arrive quand même à faire peur. Je sais pas si je vous ai fait peur, vous. Si, dans Try, oui, je ne parle pas de la fin, mais si, c'est vraiment... Ça fait dresser les poils. C'est mes terreurs à moi que j'ai retransmis. Alors, vous allez des fois à la rencontre de vos lecteurs ? Oui, évidemment. Ouais, j'ai fait quelques salons, mais surtout l'année dernière, on a eu pas mal de salons avec Jean-Michel d'ailleurs, et puis moi tout seul, on a été, puis on a fait le livre là à Nancy, ouais, livre il y a quelques place. Années, ouais. Oui. On a fait Saint-Louis. On a fait Colmar. Enfin, j'ai fait Colmar, et puis j'ai fait des petits salons. Alors, faut toujours guetter, hein. Aller voir dans les mairies, parce qu'il y a beaucoup de villages qui font leur propre salon, et puis donc on y va, quoi. Hein, donc voilà. Et vous aimez rencontrer les gens ? Ah oui, évidemment, oui. Oui. Oui, c'est à ce moment-là qu'on parle à des gens qu'on connaît pas, puis on essaye faire partager notre passion pour l'écriture, et puis souvent, les gens, ils viennent pour découvrir, des auteurs qu'on voit pas comme vous faites à la radio. Et puis voilà, puis des fois ça marche, hein, y a des gens qui achètent, voilà. Et puis alors on est content parce que on est sorti de la famille, des amis. C'est comme vous quand vous m'avez dit que vous aviez, alors là voilà quoi. On est à Nancy, voilà, alors là, on est content quoi. Là, on éprouve un peu le sentiment, on imagine ce que ça fait pour un auteur connu, qui commence à être connu. Voir tout à coup des gens d'autres régions qui voilà qui enfin je peux qu'imaginer quoi. Ouais. Alors il nous reste 30 secondes. Quel est votre auteur préféré? Comme vous lisez. Oh là là, c'est toujours la question qu'il faut pas poser quoi. Ouais. J'en ai plein. Alors surtout des Américains, hein, je suis désolé. Il y a Elroy. Oui. Ouais. Qui est pour moi un choc total quand je l'ai découvert dans les années 80. Je peux pas faire autrement que de parler de La Route de Cormac McCarthy, qui est, je pense, le plus grand livre écrit depuis ces 40 dernières années, quoi. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs de polar, hein, beaucoup, surtout des vieux. Et puis, alors, il y a beaucoup d'auteurs fantastiques comme Matheson et Ray Bradbury. Et évidemment, Henri Verne, qui est toujours en vie d'ailleurs. Ouais. Alors merci à Philippe Malaisé d'être venu nous parler de son roman Entrailles, publié aux éditions Execo. Merci à vous. Au revoir à tous et à bientôt.